إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، فإن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيل من أصول هذا الدين، فإن هذا الدين القويم ينبني على أصول ثلاثة. والأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام الأدلة، والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب عليك أن تعرف هذا الرب العظيم، وأن تعتقد بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه كامل في ذاته، كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فلا يعتريه نقص. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا يجب عليك أن تعتقد وحدانيته في أفعاله، فهو الخالق وحده لا شريك له، المالك المدبر جل وعلا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله تبارك وتعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالله سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم لنعرفه ونعبده وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا يجب على العبد بعد معرفة خالقه ومالكه ورازقه ومعبوده بحق أن يعرف الطريق الموصلة إليه، وهذا هو الإسلام، وهو الأصل الثاني. والإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ولا سبيل إلى نيل الفلاح ولا السعادة لا في الدنيا ولا في الأخرى إلا بسلوك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشم القرشي، وهو سيد الناس، وهو أفضل الأنبياء والرسل وخاتمهم. Il nous incombe à tous de connaître trois grands fondements. Ces grands fondements sont les bases de notre religion. Et cette séance est une obligation pour chaque croyant et chaque croyante. Nous devons tous connaître ces trois bases. La première base est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, notre Maître, le Seigneur des cieux et de la terre. Celui qui a la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms, dans l'ensemble de ses attributs. C'est donc le seul qui mérite entièrement l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas sujet à l'imperfection, ni aux défauts, ni aux manquements. Il a les noms les plus sublimes, les attributs les plus complets, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui lui soit semblable, c'est lui l'audient et le clairvoyant. Tu dois également savoir qu'il est unique dans ses actions vers ses serviteurs comme étant le seul créateur, le seul maître, le seul gérant. Et tout cela te pousse à l'adorer lui seul d'un culte sincère. Et c'est pour cela qu'il t'a créé. Et pour ce faire, tu dois emprunter le chemin par lequel tu pourras te rapprocher de lui. Ce chemin, c'est l'islam. Et c'est la deuxième base que tu dois connaître, la connaissance de l'islam, la religion qu'Allah t'a légiférée en dehors de laquelle il n'accepte point d'action. Inna ad-din 'inda Allah al-islam. Certes, la religion chez Allah est l'islam, et cet islam repose sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah et que Mohammed est son messager. D'accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Ce sont les cinq piliers de l'islam. Et pour savoir comment emprunter ce chemin et comment mettre en pratique ce par quoi tu auras l'acceptation chez Allah et son agrément, il te faut emprunter le chemin sur lequel était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous amène à la troisième base qui est la connaissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois connaître son nom, tu dois connaître son message, tu dois connaître de sa vie ce qui va te permettre de le suivre, de le copier, d'emprunter le chemin sur lequel il était. Et sans emprunter ce chemin, personne ne pourra avoir la demande d'Allah azza wa jal, ni se voir accepter, agréé auprès de lui. Et cela t'amène à la troisième base qui est la connaissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'appartient pas à un croyant d'ignorer celui qui lui a été envoyé en tant que miséricorde pour les bons, pour lui enseigner comment sauver et approcher sa personne dans ce bas monde et dans l'au-delà du châtiment d'Allah azza wa jalla et de sa colère. Et comment, yani celui qui va lui montrer comment obtenir ou comment obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et l'au-delà, et la réussite et l'entrée au paradis dans l'au-delà. Ce sont les trois bases qu'il nous faut tous connaître. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, durant plusieurs années, nous allons étudier plusieurs livres, particulièrement axés sur la première et la deuxième base. Et nous étudions désormais, ou maintenant, tout en continuant les premières bases, le troisième point qui est la connaissance du prophète sallallahu alayhi وسلم وتحدثنا في الجمعة الماضية عن الهجرتين وانتهينا عندها. Et la semaine passée, nous sommes arrêtés sur l'hijra, la première et la deuxième, qui a été faite par une partie de Sahaba ila al-Habasha. Puis nous sommes arrêtés sur la conversion de Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد وبعد تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. الناظم ابن أبي العز رحمه الله تعالى نباو دنا سيس أبخل le début de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous cite ici des événements majeurs de sa vie. Le premier point, l'islam de Hamza. Al-Asad signifie le lion. Il a été qualifié de par sa bravoure, de par son courage, sa force, ainsi. Donc Hamza, wa amu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hamza est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa akhuhu min ar-rida'a. C'est également son frère de lait, car tous deux ont été allaités par Khuwaiba, mawlata Abi Lahab. Naam. C'est le frère de lait également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il a été, lui ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allaité par Khuwaiba, la servante de Abu Lahab. Avant cela, je ne sais pas si vous l'avez cité, mais Al-Najashi, celui qui avait accueilli Sahaba et avait été bienfaisant envers eux et leur a accordé l'hospitalité et la protection dans son pays. Mahla aslama. Naam, il s'est converti à l'islam fil am tasi'a. En l'an 9, il a embrassé l'islam. Et lorsqu'il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Istaghfiru li akhikum » Demandez à Allah qu'il pardonne à votre frère. En faisant référence à Al-Najash. Naam, et ceci a été cité dans les authentiques. Et Mahla, il s'est converti donc à l'islam. Et dans un autre hadith, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Atufiya al-yawma rajulun salih. Dans un autre hadith, il a dit alayhi salatu wa salam, est décédé aujourd'hui un homme pieux. Fahalumma fasallu ala akhikum. Alayhi salatu al-ra'im. Donc il a dit, priez sur votre frère. Et de là, certains savants ont pris la permission de prier salata al-ra'id liman kana fi halati najash. Pour qui? Pour celui qui est dans la même situation que le najash, c'est-à-dire qu'il est dans un endroit retiré ou il est dans un endroit qui n'est pas interdit cela, il y décède. Donc on pense que personne ne priera sur lui. À ce moment-là, il est légiféré de faire salat al-ra'id. Donc on fait une salat janaza si ce n'est qu'il n'y a pas le corps de la personne. Dans quel cas? Dans le cas où on pense que personne n'a prié sur lui. Non. Mais certaines personnes font salat al-ra'id. Eux, ils ne sont pas dans un pays musulman et la personne est dans un pays musulman. Ça, c'est parmi les choses étonnantes. Non. Parmi les choses étonnantes. C'est que lui, non, il n'est pas dans un endroit où il y a beaucoup de musulmans. Et il fait salat al-ra'id sur quelqu'un qui est décédé dans un pays musulman, soit parce que c'était une personnalité ou une personne yani, qui était connue ou autre. Ce qui permettent dans le cas où la personne est dans un cas semblable à celui de An-Najashi. Et il ne faut pas confondre entre An-Najashi, qui a appuyé Sahaba lors de la première et la deuxième hijra, et An-Najashi, qui a reçu la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a invité les rois à embrasser l'islam, bien après cela. Non. La façon dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Ashama, ce n'est pas la même façon, la lettre qui a été écrite par la suite n'avait pas le même khitab, le même uslub. Au deuxième Al-Najashi, وقد علمت بأن النجاشي لقب لمن تولى الحبشة. Et comme nous l'avions cité, Al-Najashi est un surnom attribué, un titre attribué à celui qui gouverne Al-Habasha. Donc cela nous emmène par la suite à l'islam de Hamza, à l'islam de Hamza. ذكروا في قصة إسلامه أشياء لكن تفاصيلها لم تصح. نعم. Les historiens ont cité des histoires en détail traitant de la conversion de Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le détail de ce qui a été apporté n'a pas été cité avec des chaînes de transmission authentiques. فقالوا إن أمة لعبد الله ابن جدعان شهدت استهزاء أبي جهل من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت حمزة رضي الله عنه بذلك فغضب وتقلد صيفه أو أخذ قوسه ثم أقبل على أبي جهل وبحث عنه حتى وجده في مجلسه فضربه فشجه بماذا بقوسه شجة المنكر. Il fut rapporté que la servante de Abdullah ibn Jud'an a assisté à une scène qui est que Abu Jahl a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a dénigré et lui a grandement manqué de respect. La servante de Abdullah ibn Jud'an a informé Hamza radiallahu anhu de cela, c'est-à-dire que son neveu a été insulté de manière très grave par Abu Jahl. Alors il s'est emparé de ses armes. Il a pris notamment son arc. Puis il s'est mis à la recherche de Abu Jahl. Et il l'a trouvé dans son assise. Il s'est approché de lui et il lui a porté un coup au visage avec son arc, au point de le blesser très clairement au visage. Alors les gens de son assise ont voulu le défendre et ont voulu sauter sur Hamza. Et ils lui ont dit à Hamza, illa qatsabat. Et ils lui ont dit, oh Hamza, tu te comportes ainsi que parce que tu as mécru, tu as apostasé, tu es sorti de la religion de tes ancêtres et tu as penché vers Mohammed. Lorsque quelqu'un entrait en islam, il disait de lui qu'il est sorti de la religion. Il n'a plus de dîme. Il n'a plus de dîme. Alors, il a répondu, Na'am, wa ma yamna'uni wa qad istabanani bi annahu al-haq. Il a dit certes, et qu'est-ce qui m'empêcherait d'embrasser sa religion après avoir vu de manière claire que c'est la vérité. Tout m'a parlé à Abu Jahl, da'ou. Puis Abu Jahl a dit laissez-le. Puis il a cité la cause de son agissement, c'est qu'il a insulté très gravement son neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fafariha al-muslimun farahan shadidan bi islam ammihi Hamzata radiallahu anhu wa qawiya shukatu l'islam. Et l'islam a été renforcé de par sa conversion, car Hamza était un notable de Quraysh, c'était une tête de Quraysh et il avait une grande prestance, une grande force. Wa qad qutila fi ghazwati Uhud. Et il est décédé durant la bataille de Uhud radiallahu anhu. Donc cette histoire avec tous ces détails n'est pas authentique. Quant à sa conversion, na'am, elle est authentique comme nous le savons tous. Wa ba'da ayyamin yasira aslama Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Très peu de jours ou très peu de temps après la conversion de Hamza, s'est converti à l'islam Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامه ويدعو له ويدعو الله عز وجل أن يعز الإسلام بأحب الناس إليه بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي جهل. Le prophète صلى الله عليه وسلم espérait grandement que عمر penche vers l'islam. Espérait grandement que Omar radiallahu anhu penche vers l'islam. Et dans un texte authentique, il a invoqué Allah Azza wa Jal en sa faveur en disant « Oh Allah, renforce l'islam par le plus aimé auprès de toi entre Omar et Abi Jahl ibn Hisham. » Et Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu nous dit « Ma dinna a'izza » منذما أسلم حمزة عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بعض الدقوم يقول يا الإسلام لسامع القرآن دي نحن cessé d'être élevé dans l'islam depuis que عمر رضي الله عنه s'est converti. نعم. Et il disait de lui إسلامه عمر ou bien إسلامه عز. Il disait qu'un islam ou izza. Il disait que l'islam de Omar, sa conversion, a été une puissance pour les croyants. Wa hijratuhu nasran. Et que son égir a été un secours. Wa imaratu rahmatan. Et lorsqu'il est devenu gouverneur, ça a été une miséricorde pour les croyants. Pour les croyants. Abdullah ibn Saoud ou un autre dit, ما قدرنا على الصلاة عند البيت إلا بعد إسلام عمر. Et il dit qu'ils n'ont pas eu la capacité de prier auprès de la Kaaba, si ce n'est après l'islam de Allah. Avant cela, celui qui faisait ça risquait sa vie. Naam, il était battu. Mais lorsque Omar radiallahu anhu s'est converti, l'islam, il est sorti, il a proclamé au grand jour l'islam. وقبل إسلامه كان شديدا على المسلمين وكان يعذب بعضهم. Et avant son islam, il était très sévère et très dur envers les croyants. Dès qu'il entendait quelqu'un se convertir à l'islam, il était très sévère envers lui. Et comme on l'avait cité, il y avait Saïd ibn Zayd. Son petit cousin, qui était donc Zawju Fatima ta Ukhti Umar, radiallahu anhu. Son petit cousin, qui était l'époux de sa sœur Fatima, la sœur de Umar, qui se nomme Fatima, raconte qu'avant l'islam, avant la conversion de Umar, il l'attachait pour l'islam. Il le torturait, il l'attachait. Et il lui disait qu'il ne le délivrera, il ne le délivrera pas tant qu'il ne sortira pas de ce deal. Il était très dur. Radiallahu anhu. Mais Allah Azza wa Jal yahdi man yasha. Wa huwa a'lam bil muhtadin. Si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal guide qui il veut. Et il est plus savant de savoir celui qui mérite la guider. Et de manière générale, trois histoires ont été citées pour la cause de la conversion de Omar. Pour la cause de la conversion de Omar radiallahu anhu. La plus célèbre étant ce que rapporte Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala, anna Omar kharaja yawman falaqiya rajulan faqala lahu ayna turid qala قال محمد فإنه فرق جمعنا وشتت شملنا إلى آخر ما قال فقال هلا بدأت بأختك بأهل بيتك قال وما لك قال قد أسلمت معك فقد تبعته على دينك فغضب وغير توجهه إلى بيت أخته عمر بن الخطاب سأصيره voulant mettre fin au prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il voyait que c'était lui la cause de tout ce problème à la Mecque, cette division entre ces groupes, les croyants, les non-croyants. Pour lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le coupable. Alors il avait décidé de mettre fin à tout ça. En chemin, il a rencontré une personne qui lui a dit « Où veux-tu te rendre ?» Il lui a dit, je vais trouver Mohammed et mettre fin à toute cette histoire. Il nous a divisé, il a fait. L'homme lui a dit, pourquoi ne pas commencer alors par les gens de ta famille? Car ta sœur l'a suivi dans sa religion. S'est mise en colère, a changé ses projets, s'est dirigé vers la maison de sa sœur. Sa sœur était donc mariée avec son petit cousin, Saïd. En arrivant à la porte, il a entendu des murmures. Il a entendu des murmures, car ils étudiaient le Coran. Il y avait auprès d'eux qui leur lisait le Coran, Khabbab ibn al-Arab. Et l'époux de Fatima, ainsi que sa sœur. Lorsqu'il entra, Khabbab s'est caché et ils ont caché les feuillets du Coran. Ils ont caché les feuillets de Coran, car avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne pouvait réunir tout le Coran dans un livre, car il n'était pas complet et on ne pouvait savoir cela si ce n'est après son décès. Non. Mais on nous a informé dans le Coran que ça allait être un livre. Dhalika al-kitab la rayba fihi. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et avec cela, tu coupes l'herbe sous le pied du Mubtadi qui essaie d'utiliser le Coran pour justifier ses innovations. Le Coran tout entier a une réputation à chaque innovation. Pourtant, ils utilisent le Coran pour permettre l'innovation en disant qu'il y a de bonnes innovations. Comment ça? Ils disent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'était pas un livre, n'est-ce pas? Et ensuite, on voit nous qu'on a un livre. Pourtant, personne dit que c'est une bid'a. Donc, il y a des bonnes et il y a des mauvaises. Comment répondre à cette shubha? Comment répondre à cette ambiguïté? Premièrement, dans le Coran, nous informe que ça allait être un livre. Ouvre la deuxième page du Coran et cesse de proférer des bêtises. Qu'est-ce qu'il y a à la deuxième page du Coran? Hein? Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah. Quel est le deuxième verset de Surat al-Baqarah? Hein? ذلك الكتاب لا ريب فيه فأخبر الله سبحانه وتعالى نعم بأن القرآن سيكون كتابا الله عز وجل informe que le Coran allait être un livre. Deuxièmement, est-ce que c'était possible de relire le Coran au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, pourquoi? Parce qu'on ne pouvait savoir à la fin de la révélation. Si ce n'est avec quoi? Avec son décès. Donc, toi, le Moubtadir, toi qui as Allah adoré avec une chose innovée, la chose que tu fais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba pouvaient la faire. Mais ils l'ont délaissé donc volontairement. C'est ça la bid'a. Ils pouvaient la faire, il ne l'a pas fait. Donc le dîn consiste à délaisser cette action. Ainsi, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jalla. Quant à toi, tu fais l'action. Tu fais l'action. Le Prophète sallam pouvait la faire et ne l'a pas fait. Soit ça fait partie du dîn. Alors on te demande la preuve. Et le Prophète sallam l'a forcément transmis car le message est complet. Soit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le savait pas et tu l'as su toi. Si tu oses dire ça, c'est très grave. Soit il l'a su et il ne l'a pas dit. On te dit pourquoi est-ce que tu le dis toi? Ça, soit il ne l'a pas su, soit il l'a su et il ne l'a pas dit. Soit il l'a su et il l'a pensé. Ça ne sort pas de ça. Le premier cas, il l'a su, il l'a pensé. Ça ramène le dalil. Ça ramène la preuve. Il n'y a pas de preuve parce que c'est bid'a. Le deuxième cas, il ne l'a pas su et lui dit moi je l'ai su. Alors là, c'est encore pire. Là, c'est très très grave. Il accuse le prophète sallam d'être plus ignorant que lui. Faire est-ce que son dit. Le troisième cas, il dit oui, il l'a su, mais il n'en a pas parlé. On lui dit une chose qu'a su le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on suit sahab et n'en a pas parlé. Tu en parles toi? Faliyasa' kama wasi'a. Que te suffit ce qu'il aura su. L'innovateur ne peut pas sortir de ces trois cas. Pour le Coran, ça ne pouvait pas être fait à son époque. Parce qu'on ne pouvait savoir à la fin de la révélation si c'était avec son décès. Donc il n'y a aucune preuve pour l'innovateur et pour celui qui dit qu'il y a de bonnes innovations dans le dîn en utilisant le Coran. Ça c'était une parenthèse. Il y a trois choubhas, il y a trois ambiguïtés auxquelles s'accrochent les innovateurs. Ça c'est la première. La deuxième, ni'matul bid'ah hadihi, en parlant de salat al-tarawih. نعم إلى قدم من سن في الإسلام سنة حسنة d'accord lorsque tu maîtrises la réponse à ces trois choses là نعم il reste peu de choses يعني comme شبهات نعم qui ont une certaine portée qui trouble les gens quoi qu'il en soit طريقة أهل العلم ومن سلك طريق السابقين البعد عن هؤلاء وعدم سماعه ومجالسته نعم وأخذ العلم عنه والله المستعان وكيل أنصار لا هو تعطيه كده سلوان يدود من الباي كنت يدود من الباقون طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدود خطيش فاسد. Il lui a dit, qu'est-ce que je viens d'entendre? Et ils ont essayé de cacher les prières, mais les âmes. Donc il leur a demandé de leur remettre ces prières au Coran. Ils ont refusé et il a levé la main sur sa sœur. Il a levé la main sur sa sœur et a insisté pour avoir ses prières. Elle lui a dit que son état ne lui permettait pas de toucher le Coran. Donc elle lui a ordonné de se laver. Dans une version, il s'est lavé, puis elle lui a remis les feuillets. Dans une version, il n'a cessé d'insister jusqu'à les prendre de force. Jusqu'à les prendre de force. En lisant, il est tombé sur quoi ? Bismillahirrahmanirrahim. Il a fait tomber les feuilles, il a eu peur. Lorsqu'il a eu la basmala, ça l'a affecté. Puis, il a retrouvé ses esprits, a repris les feuillets. Et il y avait soit le début de Surat al-Hashr, soit le début de Surat al-Hadid. D'autres ont dit Taha. Puis il est sorti et s'est dirigé vers le Prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à se convertir à l'islam. Une autre histoire cite que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Surat al-Haqqah. Et lorsqu'il a entendu cette éloquence, cette beauté, cette lourdeur du Coran, il a dit ça ne peut être que la parole d'un poète ou d'un sahir. Et qu'est-ce qu'il a entendu ? وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Yani, il entendait la sourate qui disait c'est bien un sorcier, ou bien c'est bien un poète, c'est bien un sorcier. Yani, comme si ça le réfutait tout ce à quoi il pensait. Donc il a été obligé de reconnaître que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et si la parole d'Allah Azza wa Jal est révélée sur lui, c'est que c'est le message d'Allah. C'est que l'islam c'est le haq. Puis ils ont cité une troisième histoire. À la kulli hal, tous ces détails-là ne sont pas authentiques. Néanmoins, lorsque les gens sont partis à Al-Habasha, pour Al-Hijra, Omar ibn Khattab est passé près d'une femme qui a fait l'Hijra. Il a l'Habasha qui se nomme Umm Abdillah bintu Abi Hathma. Et elle était avec son époux. Son époux était parti faire quelques courses pour les préparer au départ. Lorsqu'il a vu qu'on se préparait à quitter la Mecque et que ces gens-là allaient partir et quitter leurs proches, ça l'a touché. Puis, il est parti en leur disant Sahibakumullah, qu'Allah vous accompagne. Ça, c'était une chose étonnante venant de sa part, vu qu'on a vu qu'auparavant, on a cité que c'était quelqu'un de Dieu et qui torturait les croyants. Et lorsqu'il leur a demandé pourquoi vous partez, elle a répondu vous nous torturez, vous nous empêchez d'adorer Allah Azza wa Jalla dans le culte sincère. Alors on part sur la terre d'Allah pour l'adorer comme il se doit. En partant, elle leur a dit cette belle parole, Sahibakumullah, qu'Allah vous accompagne. L'époux de Abdillah, qui se nomme Abir, radiallahu anhuma, est revenu. Et elle lui a raconté ce qui venait de se passer. Alors c'est comme si l'époux avait vu en son épouse qu'elle penchait vers la conversion de Omar. Comme si elle se disait, Inch'Allah, il est proche du dîn. Alors, il lui a dit, est-ce que tu espères que Omar se convertisse ? La question est étonnée de son attitude. Elle a dit oui. Allah Azza wa Jal est capable de le guider. Allah Azza wa Jal choisit qui il veut. Alors Abir a dit, la yuslim, il ne se convertira jamais. Hatta yuslima himaru Al-Khattab. Alors Abir, son époux, a dit, sache qu'il ne se convertira jamais tant que l'âme du père de Omar ne sera pas convertie à l'islam. Tant que l'âme du père Omar ne sera pas entré en islam. Voyez. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que Omar était connu pour sa sévérité et sa dureté à l'encontre des croyants. Cette pièce a été citée par Ibn Ishaq, Ibn Hisham et d'autres. Et l'imam Al-Albani, rahimahullah, nous dit que ce texte est hasan. Non, beaucoup de savants l'ont accepté malgré une légère faiblesse. C'est que celui qui rapporte ce texte est le fils de cette sahabi. Non, et on n'a pas cité de sa part ni un jarh ni un ta'dil. Lorsque les savants du hadith acceptent un hadith, ils doivent connaître la personne qui rapporte ce hadith. Est-ce que c'est une personne digne de confiance? Est-ce que c'est une personne qui a une bonne mémorisation? Est-ce que c'est une personne qui est droite dans sa religiosité? Lorsqu'on vérifie ces deux critères-là, on accepte ou non. On dit qu'il fait partie des gens qui, dont le hadith sera sahih, ou bien hasan, selon le niveau de mémorisation et de droiture, ou bien qu'il sera varif, ou bien qu'il sera faible. On ne prend pas l'information de n'importe qui dans n'importe quoi. Non. Non. Avant, au temps des sahabes, avant l'apparition des fidèles, on prenait de tout croyant. Non, il n'y avait pas le mensonge, il n'y avait que la droiture chez les sahabes dans ce domaine-là. Ils étaient sujets au péché, mais personne ne mentait au Iyadu Billah. Après l'apparition des fitans, alors ils ont dit Samoula Marijala. Quand vous voulez transmettre une chose maintenant, dites-nous qui a transmis cette information. Quelqu'un vient te voir, il te dit, il te donne une information, tu ne dois pas prendre directement. On doit savoir qui a dit ça, qui a transmis, de qui ça vient, et ainsi de suite. Si c'est une personne de confiance, on va. Là. Si ça n'est pas une personne de confiance, on n'accepte pas tant qu'une autre personne de confiance ne vient pas à nous. Et il y a plusieurs tawa'id dans le Moustalah qui s'étudient pour savoir comment est-ce que tu acceptes une information. De qui est-ce que tu prends la science? Devant qui tu as le droit de t'asseoir? Devant qui tu n'as pas le droit de t'asseoir? Quelle faute exclut la personne de l'adal? Et quelle faute ne l'exclut pas de cela? Et toutes ces règles-là sont très importantes à connaître lorsque tu veux prendre une information d'une tierce personne ou sa science. Donc ce texte est hasan, c'est la chose la plus authentique qui a été rapportée sur la cause de la conversion de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Lorsqu'il s'est converti, arada an yu'lina islam, il a voulu proclamer au grand jour son islam. Et on était dans une période où Quraysh sévissait sur toute personne ayant proclamé son islam. L'islam était vécu pour la plupart en cachette. Alors Omar ibn Khattab s'est dit, qui est le plus gros rapporteur chez Quraysh d'informations? Qu'est-ce qui répète tout ce qu'il entend, qui propage tout? Non. Alors, il s'est dirigé vers la personne qui était la plus connue pour cela. Comment se nomme-t-elle? Jamil. Comment se nomme cette personne? Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Omar ibn Khattab radiallahu anhu est parti le trouver et il lui a dit Dakhaltu fil Islam. Et il lui a dit à Jamil Dakhaltu fil Islam. Et il lui a dit au Jamil, je suis entré en Islam. Je suis entré en Islam. Omar ibn Khattab radiallahu anhu n'avait même pas encore quitté le lieu que Jamil s'est approché de la porte de Masjid al-Haram. Et il a crié autant que possible en informant Quraysh de cette information. En informant Quraysh de cette information. فصرخ عند باب المسجد بأعلى صوته يا معشر قريش إن عمر قد صبأ. Il a crié ô vous Quraysh, Omar est sorti de notre religion. Omar est sorti de notre religion. وكان عمر خلفه. Et Omar était encore derrière lui. Et Omar était encore derrière lui. قال والله كذبت. عمر الخطاب dit par Allah, tu as menti. ما صبأت ولكن أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Il lui a dit, je jure par Allah que tu as menti. Je me suis plutôt converti à l'islam et j'atteste et je proclame qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Alors ce Omar ibn Khattab a dit ça, et que l'information est parvenue à Quraysh, ils se sont tous réunis pour attaquer Omar. Non? Fa takatabu وثاروا عليه. نعم، حتى سال الوادي، يعني من كثرته. Lorsque cette information est parvenue à Quraysh, ils se sont tous réunis et ont pris cette direction au point où la vallée a été bondée de monde. Tellement ils étaient nombreux, la vallée a été bondée de monde. Mais en chemin, il y a eu Al-As ibn Wa'il, qui est un notable de la Mecque. العاص بن وائل قد كتب صحيح البخاري العاص بن وائل a rencontré Omar et lui a dit que se passe-t-il et lui a dit que mon peuple veut m'assassiner car je suis entré en islam. Alors العاص بن وائل qui était un des gens, sa tribu était alliée à la tribu de Omar dans la Jahiliya, lui a dit ماذا لم يفعل لن يفعل ils ne pourront pas le faire. Lorsque Omar a entendu cela, il s'est tranquillisé parce qu'il avait une aide et une mana'a. Al-As ibn Wa'il s'est dirigé vers cette marée humaine et il leur a dit: que voulez-vous? Ils ont dit: Ibn al-Khattab est sorti notre religion, on va lui faire telle chose, telle chose. Ils voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a dit la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'il a dit la ilaha illallah. العاص بن وائل leur a interdit cela et a protégé Omar. Il a protégé Omar. Il était respecté. Il était respecté. Tout comme Omar l'était auparavant. Tout comme Omar l'était auparavant. Mais dès que quelqu'un entrait dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce rang-là tombait. C'est pour ça qu'Abu Talib était respecté. Auprès d'eux, il n'a cessé de l'être jusqu'à son dernier souffle. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu n'a donc pas été à l'abri des nuisances de Quraysh, si ce n'est qu'il était plus fort que la plupart des Sahaba. Et on nous rapporte qu'il est parti chez plusieurs d'entre eux pour les informer directement de vive voix qu'il est entré en islam et pour en découdre avec eux. Et il a été agressé et il ne cessait de rendre les coups qu'on lui portait et de passer d'une personne à une autre. Radiallahu anhu, comme pour se racheter de sa conduite d'avant sa conversion à l'islam. Donc ça, c'est en l'an 6, Ba'da al-Bi'ana. Peu après, il y a eu un grand événement qui se nomme Al-Qati'a. Al-Qati'a, comment est-ce qu'on dit en français un blocus? Al-Qati'a, c'est que Quraysh ittafaqu ala muqata'ati bani Hashim. Quraysh s'est entendu pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cette information est parvenue à Banu Hashim, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Abu Talib les a réunis. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chef de Banu Hashim, les a réunis. Et ils se sont tous mis d'accord, musulmans et non musulmans, pour accorder protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que sous aucun prétexte, il le donnerait à Quraysh. Lorsque Quraysh ont vu cela, ils ont fait un pacte entre eux. Ils ont fait un pacte. Ce pacte est que plus personne ne devra avoir de relation avec Banu Hashim. Tant qu'ils ne nous auront pas donné, remis, livré Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont donc écrit un contrat ou une feuille qu'ils ont collé aux abords de la Kaaba. Et par exemple, on ne fait pas de commerce avec eux. On n'achète rien d'eux. Ils n'achètent rien d'eux. On ne les marie pas. Ils ne se marient pas chez nous. On essaye de leur couper les vivres. Lorsque les commerçants viennent pour vendre, on achète tout entre nous et on ne laisse rien à Banu Hashim. On ne parle pas avec eux, on ne les fréquente pas, on ne prend pas place avec eux. Et beaucoup d'autres injustices encore. Pire les unes que les autres. Ce blocus a eu lieu durant 3 années consécutives. Durant 3 années consécutives, au point où certains parmi ces gens-là se sont retrouvés à manger de l'herbe. Mais des choses trouvées sur le sol, ils ne trouvaient plus rien. il y avait des famines chez les gens de Banu Hashim, mais malgré ça, de par le lien qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas rompu. Le seul qui n'a pas adhéré, c'est Abu Jahl. Le seul de sa famille qui n'a pas adhéré à cela, c'est Abu Jahl qui s'est lié avec les deux. Na'am, Allah musta'an. Par la suite, certaines personnes parmi Quraysh, au bout de 3 ans, ont regretté le point, et allez, ce point atteint dans l'injustice. Alors ils se sont consultés, certaines têtes se sont consultées, et ont dit, nous allons mettre fin au blocus. Alors ils sont partis trouver Quraysh pour intercéder en faveur de Banu Hashim. Puis, Abu Talib, lorsqu'il en parla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa d'un miracle qu'Allah azza wa jalla lui a apporté pour montrer la véracité de ses propos. C'est qu'Allah azza wa jalla a envoyé une petite bête qui est connue pour manger le bois, les feuilles, et ainsi de suite, comme des mites. Pour manger de la feuille sur laquelle était écrit l'entente contre Quraysh pour nuire à Banu Hashim. Ce mythe ou cette bête n'a pas mangé toute la feuille. Elle a mangé que les endroits où il y avait la mention du nom d'Allah Azza wa Jalla et ce qui est en rapport avec cela. Et a laissé toute l'injustice de leur propos. Lorsque les gens sont venus pour intercéder en faveur de Banu Hashim, et que Abu Talib a parlé aux notables de Quraysh, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui informé de cela, Abu Talib connaissait sa véracité. Il savait que son neveu ne mentait pas, il n'avait jamais menti. Alors il a dit à Quraysh, amenez la foule, il y a une chose dont j'ai été informé et vous allez là. Lorsqu'ils ont vu cela, ils ont juré que ça n'était que l'œuvre de sa sorcellerie. Subhanallah, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous parle au cas de la personne pour avoir l'iman, tu peux lui mettre tous les signes devant. Elle ne croira jamais. Furent-ils les enfants du prophète ou les parents du prophète? C'est Allah Azza wa Jalla, Yashra Sadrata l'Islam. C'est Allah Azza wa Jalla qui a ouvert ta patrie pour l'islam. Ne pense pas parce que tu es né dans telle famille, tu es musulman. C'est par la grâce d'Allah Azza wa Jalla que tu as l'islam. N'as-tu pas vu que l'enfant grandit dans une famille musulmane, il n'adore pas Allah dans le culte sincère, et qu'à côté de toi, dans la salade, un Français de souche, dont les parents ne sont pas musulmans, il lève les mains que Allah Azza wa Jalla et pose son front 5 fois par jour par Allah Azza wa Jalla. فَالْهِدَايَةُ هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ وَالْإِلْهَامِ بِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كما سنراه الآن إن شاء الله تعالى مع قصة وفاة أبي طالب. Donc la guidée des coffrets d'Allah تبارك وتعالى. Ça ne suffit pas de l'être dans telle famille ou d'avoir telle. Non, c'est pas en cela que se fait l'islam de la personne. Mais le fadl bi le bien fait, la grâce tout entière. Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut donc l'invoquer lui sans cesse. Et lui demander toujours la permission de la religion. Comme le prophète le faisait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il demandait à Allah azza wa jal, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi Allah, celui qui a fermé les cœurs, a fermé mon cœur dans ta religion. Non. Et il avait peur que son cœur vire. Non. Et s'il en est ainsi pour lui sallallahu alayhi wa sallam, en plus forte raison, nous, faible, que nous sommes pour beaucoup d'entre nous. Wallah musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Par la suite, ils n'ont pas reconnu ce signe manifeste d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont même redoublé de nuisance, d'injustice. Par la suite, ils ont insisté et Allah azza wa jalla a facilité et a mis fin au hisar, au blocus que subissait Banu Hashim. Peu de temps après, le détail de cette qissa n'a pas été cité de manière authentique, mais la base est authentique. Il y a même un hadith dans Sahih Bukhari de Abu Huraira qui fait référence à cela. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit que l'imam Bukhari a cité que cela, du fait que ça nous montre, ça fait référence au détail. Il a cité une parole générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous montre qu'ils se sont tous réunis dans le mal. Ça fait référence à Al-Muqata'a. Ça fait référence à Al-Muqata'a. Allah subhanahu wa ta'ala a gardé en vie les deux grandes aides qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque, entre autres Abu Talib pour Al-Mana'a physiquement et son épouse Khadija, vers qui il retrouvait la sérénité et la tranquillité lors de ses grandes épreuves et difficultés. فقال الله وبعد تسع من سني رسالتي après 9 ans en tant que prophète, donc après le début de sa prophétie, mata Abu Talib ذو كفالته, celui qui l'avait recueilli est décédé. Abu Talib, celui qui l'avait recueilli est décédé. وبعده خديجة توفيت, après lui خديجة est décédée. وبعد من بعد أيام ثلاثة مضى, 3 jours après le décès de Abu Talib. Et les savants ont divergé qui est le premier à décéder. Qui fut le premier à décéder? Est-ce que c'est Abu Talib, comme le cite Al-Hadith, ou est-ce que c'est Khadija? Non. Beaucoup ont dit qu'Abu Talib est décédé très peu de temps après Khadija. 3 jours, 1 mois, quelques temps. À la Kullihan, la même année. Non. La même année. Donc, peu de temps après le décès de Abu Talib. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait gardé cette aide et cette fidélité de ces deux personnes, l'une croyante et l'autre non, pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette grande épreuve qui était Al-Muqata'a. Et peu de temps après l'ouverture de Al-Muqata'a, subhanallah, l'un est décédé et un peu après l'autre est décédé. Radiallahu anha. Et cela a eu lieu 3 ans environ avant l'Hijra. 3 ans environ avant l'Hijra, peu de temps avant l'Isra ou l'Mi'raj. Peu de temps avant l'Isra ou l'Mi'raj. Donc, à la fin, ou vers la fin de l'an 10, tout cela a eu lieu. Après 9 années, après 9 années dans la 10e. Parce que ça, c'était en l'an 6. Ensuite, il y a eu Muqata'a qui a duré 6 ans, qui a duré 3 ans. D'accord ? Donc ça nous amène alors en l'an 9-10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la maladie de mort de Abu Talib, s'est rendu auprès de lui. Il s'est rendu auprès de lui et a utilisé ses derniers instants pour l'inviter à l'islam. Pour l'inviter à l'islam. Et de cela, les ulama ont tiré Al-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala 'inda 'iyadati al-marid. De cela, les savants ont tiré une faïda, c'est le fait de faire da'wa à celui qui est malade lors de sa visite, quand tu le visites. Dans son état, elle est plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Dans la difficulté, la personne est plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Elle se délie plus des causes et se dirige plus pleinement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous cite dans le Bidayat wa Nihaya, فصل في وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le chapitre relatif au décès de l'oncle du messager d'Allah, Abu Talib. ثم من بعد خديجة بخويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et après lui, خديجة, la fille de Khouaylid, l'épouse du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. وقيل بل هي توفيت قبله وهو المشهور. Donc, Ibn Kathir nous cite qu'Abu Talib est décédé puis Khadija. Et il lui dit que Khadija est décédé puis avant lui. Il lui dit que Khadija est décédé avant lui. Il dit que ce qui est Wal-Majhour, Wal-Awwal, le plus répandu, c'est le premier avec, c'est-à-dire qu'Abu Talib est décédé puis Khadija. Il nous dit Wahada et Mushtiqa, ce sont les deux qui avaient de la compassion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا في الظاهر وهذه في الباطن. Lui c'est en apparence, يعني physiquement et ainsi de suite se défendait, et elle c'était, يعني intérieurement, il trouvait auprès d'elle la tranquillité. هذه مؤمنة صادقة. L'une était croyante véridique, et l'autre n'a pas embrassé sa religion, mais il l'aimait de par al-qarab, de par son lien de parenté. Ibn Ishaq dit « Thumma inna Khadijata wa Abu Talib halaka fi 'am wahid » Ibn Ishaq nous cite également sa formation en disant que Khadija et Abu Talib sont décédés la même année. « Fatatama'a ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-masa'ib bi hulki Khadija wa kanat lahu wazira sidqin ala al-tila yaskunu ilayha » Il nous dit également que les difficultés et les tristesses se sont succédées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, décès après décès. Et surtout Khadija, qui était son allié, et auprès d'elle il trouvait sa tranquillité. Et son oncle Abu Talib, وكانه عبدا وحرزا في أمره, qui était son protecteur, il lui accordait la sécurité et le secours. Et ça, et cela a eu lieu 3 ans avant les jours. وتم هلك أبو طالب مال قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. Après le décès de Abu Talib, Quraysh ont pu toucher le prophète صلى الله عليه وسلم de leur mal plus qu'ils pouvaient le faire du temps du vivant de Abu Talib. نعم. Les savants n'ont pas divergé sur le fait qu'ils sont décédés la même année. Mais combien de temps il y a eu entre les deux? Voici l'objet de la divergence. Et Ibn Kathir dit قال البيهقي بلغت أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. Il lui dit, yani, le Bayhaqi dit, il n'est pas revenu que Khadija est décédé 3 jours après la mort de Abu Talib. Quant à l'histoire du décès de Abu Talib, l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, rahimahumallah, ont cité cette histoire et l'ont relatée de manière authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a visité. Et il y avait auprès de lui Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya et une troisième personne. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد قل لا إله إلا الله. Le prophète صلى الله عليه وسلم a visité son oncle qui était sur le point de décéder. Et il y avait auprès de lui certains parmi les associateurs et une troisième personne qui plus tard embrassa l'islam. Ces derniers lui ont dit « Ya Abu Talib, atawarra'u an millati Abd al-Muttalib » Ils ont dit « Oh Abu Talib, est-ce que tu vas t'éloigner de la voie de Abd al-Muttalib » Donc de leur grand-père, de leur guide, de leur chef Abd al-Muttalib. Le grand-père du prophète sallam était le chef de l'État de l'Arab. C'était l'élite et le noble des nobles de la péninsule arabe. Donc on le citait comme référence. Il a dit qu'il va délaisser la voie du grand, de notre ancêtre, de nos parents, de nos ancêtres, de nos aïeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abd, qul la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha illallah. Non. Cette parole est allée en premier, puis, en première, puis, eux ont dit la parole que j'ai citée en premier. Oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Nulle divinité n'est véritablement digne d'être adorée excepté Allah. Une parole. Avec celle-ci, je pourrais intercéder en ta faveur chez Allah. Eux ont dit, Ya Abba Talib, est-ce que tu vas t'éloigner de la voix, Al-Billah, c'est le dit ici, de la voix de Abdul Muttalib? فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعْلِمُهَا عَلَيْهِ. Le message d'Allah Azza wa Jal n'a cessé de lui proposer ça, de lui proposer kalima du tawhid. وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَ. Et il faisait que lui répéter cette parole. حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُ. Jusqu'à ce que la dernière parole de Abu Talib, par laquelle il s'est exprimé, fut وَهُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدُ الْمُطَالِبِ. Qu'il est sur la religion de Abdul Muttalib. Quelle était la religion de Abdul Muttalib? Al-Shirk wal-Iyad Billah. Al-Shirk, ibadatu al-awthan, wal-asnaa, wa-ittikhadhuha wasata, aw wasa'it, wa shufa'a, lahum 'inda Allah. La voix de Abdul Muttalib, c'est-à-dire la voix qu'Allah Azza wa Jal, en connaissant qu'Allah est la plus grande divinité, mais on prend des intermédiaires et des intercesseurs entre nous et Allah Azza wa Jal pour qu'ils portent notre besoin. En leur donnant toute forme d'adoration. C'est le Shirk. La voix de Abu Muttalib, c'est polythéisme. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Il a refusé de dire la ilaha illallah. Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amma wallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son message, je ne pas moi. La astaghfiranna laka ma lam tunha an. Je ne cesserai d'invoquer le pardon d'Allah en ta faveur tant que cela ne me sera pas interdit. Tant que cela ne sera pas interdit. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ جَهَنَّمَ. الله عز وجل عبر عن سورة التوبة الفصل الخامس. وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سورة القصص verset 55. Le prophète صلى الله عليه وسلم a jugé qu'il ne cessera d'invoquer Allah Azza wa Jalla en faveur de Abu Talib afin qu'il lui pardonne tant que cela ne sera pas interdit. Puis Allah Azza wa Jalla révéla, il n'appartient pas au maître, au prophète, ni à ceux qui ont cru d'invoquer en faveur de des associateurs, même s'ils sont, ils font partie de leurs proches. Après qu'ils aient reconnu de manière distincte qu'ils font bel et bien partie des gens de la famille. Et Allah Azza wa Jalla a révélé concernant Abu Talib, selon la traduction de ce verset, certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est plutôt Allah qui guide qui il veut. Et il est plus savant de ceux qui méritent d'être guidés. Non. C'est la version de l'imam Muslim. Dans ce hadith, il y a de nombreuses fawa'id. Parmi ces fawa'id, le fait de commencer la da'wah par ses proches. نحن ذو التقصير في هذا. Et beaucoup d'entre nous avons de grandes lacunes dans cela. Sallallahu alayhi wa sallam, lana wa yuwaffiqana aslihana. Qu'Allah nous pardonne ses grands manquements et qu'il nous réforme. Tu commences ces efforts, tu commences à da'wah par tes proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le début, a réuni sa famille comme on l'avait vu. Il a réuni les différentes tribus autour de Quraysh, ses proches parmi les proches. On tire de ce hadith que la personne qui dit Al-Shahada entre par cela en islam. La personne qui dit Al-Shahada entre par cela en islam, car le prophète lui a dit de dire Al-Shahada. Non. Et lorsque la personne dit La ilaha illallah, non, elle vient avec sa sœur, comme les savants disent. Pour toi, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains hadiths, tu trouves juste La ilaha illallah. dans d'autres tu trouves. Car celui qui reconnaît la ilaha illallah, il vient forcément avec Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, tu vois la gravité des mauvaises fréquentations. La gravité des mauvaises fréquentations. Une des causes du décès de Abu Talib dans son état a été son assise. Parmi Abu Jahl, le pire des conseillers. Donc tu vois l'importance d'avoir un jaïs salih, de bonne fréquentation. Car si tu as une bonne fréquentation au moment de la difficulté, ces gens-là vont venir t'aider et te renforcer. Ils ne vont pas t'enfoncer. Un tel avait l'habitude d'être une mauvaise idée, on ne le voit plus. Une mauvaise fréquentation aurait été la cause que tu ne viennes plus. Une bonne fréquentation va demander à ton sujet. Elle va remarquer ton absence. Et elle ne va pas s'empresser de te critiquer car elle ne te voit plus. Elle va dire peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il a un souci. Peut-être qu'il a un état dans sa famille. Peut-être qu'il s'occupe de quelque chose qui l'empêche de venir. Allons le visiter et il va le visiter. Il va t'appeler. S'il n'arrive pas à t'avoir par téléphone, il va se déplacer. Et il va venir. Et peut-être qu'en voyant son visage, en voyant sa compassion pour toi, ça va te faire une da'wah, tu vas revenir, dans bien. Combien ont été dans cette situation-là? Combien ont été dans cette situation-là? Lorsque Saïd ibn Musayyib n'a plus vu un de ses meilleurs élèves, durant quelques jours seulement, il a demandé après lui, puis lorsqu'il est revenu, il lui a dit où t'es-tu? Il a dit, j'ai eu un décès, mon épouse est décédée, donc j'ai dû m'occuper de son enterrement et ainsi de suite. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voyait pas de personne demander à son sujet. Il était tel en père pour la Ummah, pour la communauté. Si tu as une bonne fréquentation, lorsque tu vas faiblir, ils vont te renforcer. Lorsque tu vas transgresser, ils vont te reprendre. Lorsque tu vas faire des fautes, ils vont te conseiller. Si tu te trompes, ils vont te dire, tu te trompes. Si tu as bon, ils vont te raffermer sur cette vérité. Et ils ne vont pas te trahir, ni mentir sur toi, ni te trahir derrière toi. Là, une bonne fréquentation, c'est très important. C'est très très très important. Et certains parmi les anciens disaient, tu n'achètes pas la terre, tu achètes le voisin. Lorsqu'ils trouvaient un voisin pieux, ils essayaient d'acheter cette terre-là pour y habiter. Subhanallah. Et ils disaient, peu importe le prix, j'achète pas la terre, j'achète le voisin. J'achète le voisin. Ce voisin va être la cause de ta droiture dans la salade, dans ton Coran, tu peux l'entendre prier. Il va venir te réveiller et ainsi de suite. Il va te faire des sadaqas, ça va te faire bouger le cœur pour faire sadaqas toi aussi pour les pauvres. Tu vas le voir agir. Tu vas le voir aller donner aux voisins, voir le comportement des voisins, tu vas le prendre pour exemple. Tes enfants, tu verras tes enfants pieux, élevés en rêve, alors tu vas vouloir toi aussi élever tes enfants en rêve. Tes enfants auront la fréquentation comme fréquentation ses enfants. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de favoris. C'est pour cela que celui qui trouve un ami salih, un ami pieux, un ami qui est un bon conseiller, qui est à la sunna, qui est véridique, qui préserve son honneur, qui ne fait pas le derrière avec lui quand il entend, il lui dit encore, il le corrige, il le conseille, même si par moment il est sévère avec lui, il ne doit pas le lâcher. Comme celui qui est dans la mer, il est en train de se noyer, il a qu'un bout de bois, il le tient. Tiens cet ami comme ça. Quand il est touché par la pauvreté, défends son argent pour lui. Quand il est touché par la tristesse, on doit lui le sourire. Quand tu ne le vois pas, visite-le. Quand il ne te donne pas, donne-lui. Quand il a été mauvais envers toi, pardonne-le. Il t'a opprimé, excuse-le. Akada, tu es avec ton ami. Il t'a fait du bien pendant 10 ans. Un jour, il te fait du mal, tu le délaisses, tu parles relou. Et tu vas révéler tous ses secrets. A'oudou billah. Mahali sohba. Là, tu dois être, tu vas voir, le wafa. Non, tu dois être propre, tu dois être véridique dans ta ukhuwa. Cette ukhuwa doit être illa. La sohba doit être illa. Tu ne fréquentes pas un tel parce qu'il te ramène de l'argent. Tu ne fréquentes pas un tel parce qu'il te défend, parce qu'il est fort, parce qu'il est riche, parce qu'il est connu. Et là, tu le fréquentes parce qu'il te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Il te rappelle Allah. Il te rappelle alors. Il te conseille. Avec lui, il te dit, viens, viens, viens. Viens, on apprend le Coran, on apprend à saluer le Coran, on apprend le Coran. Tu écoutes dans le Coran. Non, il y a un alim qui vient. Viens, on va assister au terme. Je suis fatigué. C'est pas grave, je viens te chercher. J'ai un problème familial, c'est quoi ton problème de l'argent? Tiens, mon argent est le tien. Un des plus prédécesseurs a dit, est-ce que l'un d'entre vous, écoutez bien, est-ce que l'un d'entre vous rentre sa main dans la poche de son frère pour lui prendre de l'argent. Vous avez compris? T'as besoin d'argent, il y a ton frère qui l'a. Est-ce que l'un d'entre vous se permet de mettre directement sa main dans la poche de son frère pour lui prendre de l'argent? L'homme a répondu non. Il a dit, « Iza lestum ikhwatan fillah. » Il a dit alors, vous n'êtes pas des vrais frères. Votre fraternité, elle est faite. Elle est faite. Non, votre fraternité, elle est faite. Donc, as-suhba, tu dois la choisir. As-suhba, tu dois la choisir minutieusement, méticuleusement. C'est très très important. Celui qui trouve un sahib, sahib, il ne le laisse pas. Il reste accroché à lui, il le visite de temps à autre. Il l'invite, il l'aide dans tout ce qu'il peut avec tout ce qu'il peut. Si tu dépenses tout ton argent pour ton sahib, tu n'auras pas fait trop proche. Si tu rembourses les dettes de ton sahib, tu n'auras pas fait trop. Si tu restes toute une nuit pour régler un problème à ton ami, alors que tu étais fatigué, malade, et que tu avais d'autres soucis, tu n'auras pas fait trop. Ça, c'est tout juste normal dans le rouwa, seul, dans ce bas, seul. Ça, c'est un ami. Si tu as un ami, même qui est dans un autre pays, seul, visite-le. Tu es récompensé pour tout ce que tu vas dépenser. Tout ce voyage. Et vous connaissez tous le hadith de celui qui a visité un frère en Allah, Azza wa Jal. Pas pour la dunya, juste parce que c'est son frère en Allah, Allah lui a envoyé un ange sur le chemin pour lui dire la bonne nouvelle. Allah l'a aimé, taïr, ou en d'autres termes. Al-suhba saliha, ça peut être la cause donc de l'affermissement sur le haq au moment du décès. Et il y a ça très connu chez les anciens, que trois parmi les hadithoun étaient dans une assise. Trois parmi les hadiths étaient dans une assise. Et le savant avait une haïba, il avait une certaine présence qui faisait qu'il était redoutable. Alors les deux élèves aussi parmi les savants du hadith ont dit, viens on lui dicte le shahad. On va dicter le shahad à notre cheikh, comment on va faire? Il a dit, viens on se rappelle le hadith. Et eux c'était le hadith avec la chaîne de transmission. Donc l'un d'entre eux a commencé à citer le hadith auprès du savant qui était en train de décéder. Puis il a oublié le sanad, les hommes de la chaîne de transmission. Alors le deuxième a repris le hadith avec le sanad, puis il a oublié. C'est alors que le savant qui est en train de décéder s'est mis à parler. Et il a cité le hadith avec la chaîne de transmission. Jusqu'à dire le hadith qui était Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah fa khalat ruhuhu ma'aha. Puis il a dit, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah et son âme est sortie avec le hadith, il est décédé. Il n'a pas fini le hadith. Allah azza wa jalla lui a facilité le fait de décider sur quoi? Sur la ilaha illallah. Alors que la fin du hadith c'est quoi? Takhala jadda. Mais Allah azza wa jalla a repris son âme au moment où il avait dit la ilaha illallah pour qu'il décède sur cette parole. Qui est la cause? La suhba saliha. Suhbatu ahli al-hadith wal-athar. Le fait de rester avec les gens du hadith, les gens du Qur'an, les gens du tawhid et de la sunna. Un autre était en train de décéder. Un savant est venu auprès de lui. Et il lui a dit, voilà ta faim. Il lui a dit, ta peur? Il lui a dit, bien sûr, j'ai peur. Il lui a dit, hein, ashhadu an la ilaha illallah? Il lui a dit, oui. Wa anna Muhammad rasulullah, est-ce que tu dis la ilaha illallah? Et que Muhammad le messager d'Allah, il a dit, oui. Ça c'est Ibn Qassar. Il lui a dit ensuite, wa anna al-jannata haqq wa an-nar haqq. Et il lui a dit, je témoigne que l'enfer est vérité, le paradis est vérité, que la foi qu'elle est ouverte, la vérité sur Allah. Et il lui a dit oui. Il lui a dit oui, il a dit achète. Il lui a dit alors tu peux mourir. T'es une bonne aqidah, tu peux décéder, t'es Allah mardi. Non. Il lui a rappelé la aqidah sahiha. Et que celui qui décède sur la bonne aqidah, il a dit inshallah azza wa jal. Ça c'est les assises de l'hadith. Ça, c'est les assises des gens de science, des gens du tawhid et de la sunna. Alors que les autres, au moment de décéder, je les entends dire, où est ma guitare? Où est ma cigarette? Où est telle femme, tel enfant, tel argent, telle richesse? Non, ah, quand même, non. Si tu as le suhba saliha, ils vont te rappeler ce qui est bon. Et, al-allam, al-shaykh Muhammad Amal al-Jami, rahimahullah ta'ala, au moment de décéder, ou peu de temps avant de décéder, il y avait des gens de science auprès de lui. Et il ne cessait de dire à son fils, lis. Il était dans l'ilm. Même au moment de son décès, il était dans l'ilm. Et son assise n'était que assise de l'ilm. Et son frère raconte, et ceux qui l'ont visité racontent, qu'il disait à son fils, lis, lis. Et il lui disait le hadith, il lui disait le din, il lui disait l'ilm. Et lorsqu'il se fatiguait et pensait son père endormi ou trop malade, son père lui disait, lis, lis. Na'am. Et avant de décéder, il fit des recommandations de tawhid. Et il dit, transmettez aux savants mon salam et dites-le à l'aqida. La croyance au tawhid. Dites aux savants d'accorder beaucoup d'importance au tawhid à l'aqida. Et Al-Farazda, un des poètes, se trouve dans une assise, ou bien plutôt à la salade des nazes, de son épouse ou d'une autre personne, il y a auprès de lui des savants, des grands savants. Et il entend une personne dire, Khadijtama fi hadha al-majlis, khayrun nas wa sharrun nas. Khayrun nas wa sharrun nas. Al-Farazda, c'est un grand poète connu. Il avait certaines paroles qui n'étaient pas convenables. Et il y avait avec nous un grand savant dans l'assise, et il y avait Salah Denaz, à son épouse ou notre personne. Alors il a entendu dire, dans cette assise, dans ce groupe, c'est réuni le meilleur et le pire. Le meilleur savant des grands savants, comme le Hassan Basri ou autre, et le pire, ils entendaient par cela le Farazdak. Farazdak a été peiné et touché de cette parole. Alors il a dit au savant, n'entends-tu pas ce qu'il dit? Le savant a dit, da'na anha, laisse tout ça. لكن أخبرني يا فرزق ما ماذا أعددت لهذا اليوم؟ إذا جئت أن أعطيك فرزق، مي موا جي كيسيو، كيس كو تا بريباري بو سو جوار؟ كيس كو تا بريباري بو سو جوار؟ سا في دير ميم سي لا بيرسون إلي با دروات دون سو فيل، مي كيل يا دي جون فيو كوم سا أ سي كوتي، إل فون توجور لو رابيلي الحق، و كلمة التوحيد جوسكا لور ديرني سوف. دونك سا سي إن غران غران غران فائدة. Le fait de prendre dans son assise des personnes pieuses, de fréquenter et de visiter des personnes pieuses, même si tu es savant que tu es pieux, tu as besoin de tes frères et la femme a besoin de ses sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. On tire également le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, ça c'est des plus grandes faïdas de ce texte-là. C'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ya ankul la ilaha illallah, ils ont répondu à ils ont compris que dire la ilaha illallah voulait dire mais croire en toutes les possibilités avant dans Allah Azza wa Jalla. Dire que tout ce qui est avant dans Allah Azza wa Jalla ne mérite pas l'adoration. Et que le seul qui mérite l'adoration c'est Allah. Donc le sens de la ilaha illallah est tiré de ce hadith. La ma'bouda bi haqqin illallah. Nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah. Abdurrahman. ما معنى لا إله إلا الله؟ اسمه لا إله إلا الله. il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. on tire de ce hadith أسلوب الدعوة والتلاطف مع المدعو. la façon de faire da'wa et la douceur utilisée pour faire da'wa. D'où on tire cela dans le hadith, Ya Am. Il lui a dit, oh non, c'est une parole qui vise à adoucir la personne. Qui vise à adoucir la personne. On voit aussi que ce hadith, le fait de ne pas se décourager à Da'wah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Da'wah pendant des années, des années, des années. Malgré ça, il dit quoi? C'est fini pour lui, ou ce genre de parole. Non, jusqu'à son dernier souffle, il essaie. Il essaie, tu dois avoir l'espoir en Allah Azza wa Jalla et faire toutes les causes. Tant que l'âme est dans le corps de la personne, dans le corps de la personne, il y a encore de l'espoir quant à sa guidée. Et d'ailleurs, une des personnes qui était dans l'assise s'est convertie à l'islam. Une des personnes qui était dans l'assise s'est convertie à l'islam. Et on voit aussi la dangerosité de suivre les ancêtres lorsqu'ils ne sont pas sur la vérité. Parce que, et le fait d'avoir honte du regard des gens. Certaines personnes délaissent le haq, qu'elles reconnaissent, parce qu'elles disent, mais qu'est-ce qu'ils vont dire quand je vais rentrer au pays? Comment je vais faire quand je vais rentrer chez moi? Que va dire mon épouse? Que va dire mon père? Que vont dire mes grands-parents? Que vont dire à la tribu? Donc ils n'osent pas. Certaines personnes étaient en soufis, par exemple en soufisme. Et ils ont connu le haqq, ils ont connu le tawhid, ils ont compris qu'adorer les saints, les tombeaux, les morts, c'est faux, c'est caduque, il n'y a que Allah qui doit être adoré. Mais quand ils rentrent au pays, il y a tout le village, tout le monde est dans ces bid'a et ces shirkiya, ces khurafat. Non. Alors ils n'osent pas. Alors ils se trouvent faibles. Non. Regarde. Regarde la conséquence de faire ça, tu peux avoir une mauvaise foi. Abu Talib savait qu'il se remettait sur la vérité. Mais il a dit, j'ai peur du reproche des gens, j'ai peur de ce qu'ils vont dire de moi. Non. Toi tu dois savoir, tu dois vouloir, tu dois surveiller ce qu'Allah voit de toi. Tu dois surveiller ce que les anges notent de toi. Mais hein, ensuite, tu fais attention à ton image, ton apparence, certes, mais pas aux dépens de la vérité. Pas aux dépens du paradis. Pas aux dépens de la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui cherche la grâce d'Allah, même s'il met en colère certaines personnes, Allah lui accordera son agrément et fera en sorte que les gens soient satisfaits de lui. Quant à celui qui cherche l'agrément des gens, aux dépens, qui t'a perdu la grâce d'Allah, Allah Azza wa Jal se mettra en colère contre lui et fera en sorte que les gens se mettent en colère contre lui. Ça, c'est la nasiha de notre mère, Aisha radiallahu anha à Mu'adh. Il lui a demandé une nasiha, elle a envoyé cette nasiha. Et à la base, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala rabbana, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Dans, à la fin de Surah Al-Ahzab, ils ont dit, oh notre Seigneur, nous avons suivi nos grands, nous avons suivi nos chefs. Non. Et ils nous ont égarés, éloignés du droit chemin. Par contre, si les ancêtres sont sur le haqq et sur la vérité, il n'y a pas de reproche dans cela. Yusuf n'a dit pas dit Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Non. Yusuf alayhi salam a dit qu'il suit la voie de ses ancêtres. Mais qui étaient ses ancêtres? Non. Yusuf, Nabi ibn Nabi ibn Nabi. Non. Son père était Yaqub un prophète, son grand-père était Ishaq un prophète, son grand-père était un prophète, Ali Rahman Ibrahim. Donc, tu suis la voie de tes ancêtres tant qu'ils sont sur le haqq. Dans le cas contraire, tu contredis cette voie-là et tu reviens au haqq. Sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de problèmes dans les familles parce qu'ils ne veulent pas délaisser une coutume qui n'est pas en conformité avec le dîn. Non, ça c'est le khutbah qu'on doit faire. Non, qu'Allah facilite l'acceptation de ce sujet très hassas, très sensible. Non. La personne, par exemple, la fille veut se marier. C'est un exemple parmi les éléments de société. La fille veut se marier. Non. Le père dit, je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça. Alors, il y a un homme comme ceci, comme cela, qui l'a demandé en mariage. Il dit, non, je t'ai promis à mon neveu. Et il l'empêche de se marier. Elle a 20 ans, 25 ans. 30 ans, 35 ans, et toute une vérité, elle reste chez elle, il l'a empêché de se marier. Cet homme-là va répondre de ses agissements et au matriyama indallah subhanahu wa ta'ala. Il a blâme cette femme, dont il avait la responsabilité, il devait la protéger. Non. Parmi les coutumes, certains ont dans leur coutume, le fait que tu ne dois pas marier la jeune avant la plus âgée. Elle s'appelle une arzak. Le mariage fait partie du livre. Il se peut que la plus jeune soit demandée bien avant la plus âgée. Non, lui, il l'empêche de se marier et peut-être que la plus âgée va se marier que dans 10 ans. Donc, la plus jeune a été interdite de mariage pendant 10 ans. Ça, c'est dans les coutumes qu'on trouve cela. Là, dans les coutumes, tu trouves que celui qui veut épouser telle fille, il sort là-bas. Pas des plus mini, mais ça c'est la haqq, la dot, la femme elle demande ce qu'elle veut, le père peut proposer, l'homme il peut proposer, tout cela est venu dans les textes. L'homme dit je donne ça, la femme elle demande ça, le père propose ça, tout cela est venu dans les textes. L'homme n'est pas le problème. C'est que l'homme donne la dot. Ensuite, donc il veut venir chercher son livre. On lui dit non. Ça c'était l'île, maintenant il reste la coutume. Il dit, ça m'a rien à voir, il n'y a pas de problème. Et quelle est cette coutume? Vois-tu, telle personne, c'est son oncle, tu dois lui donner tant. Ensuite, on réunit tous les hommes des proches de la femme, on leur dit, qu'est-ce que vous vous demandez? Toi, tu demandes quoi? Toi, tu demandes quoi, mon mari? Toi, tu demandes quoi? Toi, tu demandes quoi? Toi, tu demandes quoi? Et le prétendant, il doit, après avoir donné la dot, donner tout ce qu'ils ont demandé les proches de la femme. Le frère, le cousin, l'oncle, il leur donne tout. Lui, il a demandé 100 euros, il donne 100 euros à tête. Lui, il a demandé 200, il donne 200. Lui, il a demandé un boubou, il lui donne un boubou. La faute ? Voilà, Omar. C'est clair ou pas ? C'est là, c'est clair ou pas ? C'est là, il n'ose pas trop élever la voix. Voyez. Ensuite, on retient la femme jusqu'à ce que l'homme n'ait plus de patience pour qu'il dépense encore et encore et encore. Et Ali, c'est un mal ou c'est une vente? C'est une dette ou bien c'est du commerce? Subhanallah. Qui est pénalisé dans cela? C'est la femme elle-même. Parce que l'homme, il ressort d'ici pauvre. Il va là, comment est-ce qu'il va dépenser pour elle? Où ils sont ses cadeaux? Après qu'il ait dépensé tout ça. C'est quoi la réponse? Non mais c'est la coutume. C'est la coutume. Ta soeur s'est mariée comme ça, ta mère, ta tante, ta grand-mère, donc toi tu dois te marier comme ça. D'autres autres coutumes, le grand mariage. Vous savez c'est quoi le grand mariage? On peut citer les origines ou bien c'est pas sage. Peut-être que c'est pas sage, Allah a'lam. Le grand mariage dans un des pays qui est pas loin de Madagascar. Exactement. Une île très proche, la plus proche peut-être. Ils ont ce qu'on appelle le grand mariage. Ce grand mariage te donne accès à la parole dans la société. Même si tu as fait des études, même si tu es riche, donc tu n'as pas fait le grand mariage, comme ils disent, c'est zéro. Et animalaka makana, t'as aucune place dans la société tant que t'as pas fait le grand mariage. Le grand mariage, c'est là où tu fais le mariage et t'implantes tout le monde et tu fais beaucoup d'ostentations. Et t'égorges beaucoup de bœufs et de moutons et ainsi de suite. Et ce mariage pour 7 jours minimum, il peut s'étaler sur des semaines. Et on fait le tour du village avec tout ce que le mari a donné, toutes les richesses, on montre ça à tout le monde. Subhanallah, il s'endette. C'est des mariages de prix d'une maison. S'il a donné le prix d'une maison pour la femme, il n'a pas même avoir une fois. Non, c'est la coutume. C'est la coutume. Qu'est-ce que tu veux? C'est la coutume. Ben toi, qui es un homme, qui est hakim, qui est le plus grand de la famille, et allez, tu as un rôle dans cela, tu as un rôle dans cela. Sois plus fort pour Allah Azza wa Jal et facilite à ses enfants qui, à force de les contraindre dans certaines coutumes qui contredisent le dîn, ben tu les fais tomber dans le péché. Tu les fais tomber dans le péché, c'est pour la cause que cette femme elle commet le haram. Et c'est toi la cause que cet homme commet le haram parce que tu as voulu t'accrocher à la coutume. Maintenant tu es la risée du village et tu as honte. Et tu n'oses plus la laisser sortir dehors alors qu'elle voulait se marier dans Hélène. Pourquoi? Au nom de la coutume et du suivi des anciens. Et pire que tout cela, la chef ou billah azza wa jal dans le suivi des anciens. Comme ce fut le cas pour Abu Talib. Il y a beaucoup d'exemples, chacun de par ses origines, a idée et a eu vent forcément de cela. L'interdiction de al-tarahum de l'invoquer Allah Azza wa Jal en faveur de celui dont nous avons la connaissance qu'il décède en dehors du tawhid, qu'il est décédé en dehors du tawhid. Naam, la ilaha illallah, interdit de faire du'a pour sa personne. On tire de cela que la guidée est auprès d'Allah Azza wa Jal. La guidée de deux sortes, en fait. Il y a la guidée dans le sens de montrer le chemin, hidayat al-dalalat wa al-irshad. Ça, toute personne de connaissance, de science, peut l'avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cela, les ulamas ont cela, les prêcheurs ont cela, et ainsi de suite, le père peut l'avoir. Madame trouve cela dans le Coran. Non, on trouve cela dans des versets du Coran. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides sur le chemin. Dans un autre texte, on trouve innaka la tahdi man ahbab. Ça fait référence à un autre type de guidée qu'on appelle l'hidayat al-tawfiq wa al-ilha. Ça, c'est la guidée des cœurs. La guidée qui, c'est dans le sens de permettre de croire. Te permettre d'accepter, de suivre et de rester sur la vérité. Ça, c'est Allah Azza wa Jalla que la voix. Personne ne l'a entendu, lui-même pas, ni même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset fait référence à ça. Il n'a qu'à la tahdi, mais ahbab de toi. Tu ne dis pas celui que tu aimes. Les savants disent celui dont tu aimes la guidée. D'autres savants disent celui dont, yani celui que tu aimes d'amour naturel. Celui que tu aimes d'amour naturel. Ces deux paroles ont été citées. Il y a d'autres fawaïd de Al-Mahla de ce texte, mais on va conclure sur cela, c'est que la vie est tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut avoir peur de la perdre, il faut la rechercher auprès de lui, s'humilier auprès de lui chaque jour pour la demander. Et Allah Azza wa Jalla est tellement rahim envers toi qu'il t'a rendu obligatoire, 17 fois par jour au minimum, de réciter Ihdina Sirat al-Mustaqim. Allah t'ordonne de lui demander par miséricorde sur toi, de lui demander la vie. 17 fois par jour dans Sourate al-Fatiha au minimum. Là, ça c'est celui qui va prier tous les 5 salawat obligatoirement. Abu Talib, qui était-il pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son oncle. Son protecteur. Son frère de lait. Celui qui a subi, celui qui l'a recueilli, celui qui l'a élevé, qui l'a préféré à ses propres enfants. Malgré ça, il est fidèle. Et ça, ça rentre la grande crainte dans le cœur de chaque personne. Quant au fait de dire « mon père était, mon père a fait », ne dis pas ce que ton père a fait, on veut savoir ce que tu es toi, qui tu es toi, ce que tu as fait toi. Non. Et quel meilleur exemple pour illustrer cela que le Hadith al-Bukhari, l'histoire de la rencontre d'Ibrahim avec son père. يلقى إبراهيم أباه آدم يوم القيامة على وجه غبرة وقطرة إبراهيم عليه السلام وقنطرة يوم القيامة il sera, il aura de mauvaises choses sur le visage et il dira أعني أدموا وبيتني سكو موا إبراهيم عليه السلام lui dira لم أقول لك لا تعصيني il t'avait pas dit de ne pas me désobéir il dira اليوم لا أعصيك je ne te désobéirai pas نعم Alors Ibrahim alayhi salam demandera à Allah Azza wa Jal, ne m'avais-tu pas promis de ne pas m'humilier ce jour-là? Wa ayyu khizir a'zam min abi al-ab'ad, et quelle humiliation plus grande que de voir son père éloigné, c'est-à-dire en enfer. Alors on lui dira, après qu'il ait demandé à Allah, et qui est-ce qui demande? Khalil al-Rahman, Kasr al-Aslam, Muhaqqiq al-Tawhid, الأمة أبو الأنبياء صاحب الحنيفية celui qui a cassé les idoles al-Sama le père des prophètes l'élite des élites parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal le bien-aimé d'Allah Tabaraka wa Ta'ala il demande à Allah pour son propre père il essaie de lui être utile mais du fait qu'il n'est pas décédé sur la ilaha illallah du fait qu'il n'avait pas de tawhid Allah Azza wa Jal répond إني حرمت الجنة على الكافرين. الله عز وجل dit qu'il a rendu interdit le paradis pour son père du fait qu'il n'est pas décédé du dîme. Puis on lui dit regarde à tes pieds. C'est alors que le père d'Ibrahim alayhi salam sera transformé en quoi? Libre. C'est Zakar al-Diba. C'est le mal de la hyène. Naam, hyène c'est mâle ou c'est femelle? C'est femelle. Donc, le mâle de la hyène. Naam, le mâle de la hyène. Et j'ai dit auparavant en plusieurs cours, je disais la femelle. Naam, ceci était probablement une erreur de ma part. Car on m'a informé que ça n'était pas ainsi. Donc, c'est mâle, le mâle de l'hyène ou de la hyène. Et il sera. Entaché de sang. Puis on ordonnera aux anges de se saisir de ses pattes et de le jeter en terre. Subhanallah, c'est le père d'un des meilleurs prophètes. Et son lien parental ne lui a pas été utile. Et ici, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec tout ce qu'il a fait pour lui. Ibrahim alayhi wa sallam, il perd la combattue. Mais l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a secoué, il a aidé. Il a subi même le Muqata'a pendant 3 ans. Ensuite, il décéda. Et il y a beaucoup d'exemples. Le fils de Noé, dans le Coran, son histoire est citée. L'épouse de Noé et de Noé, c'est cité également dans le Coran. Non. Tout ça nous enseigne une science, et ikhwan al-kiram, wafaqana Allah wa iyyakum. Le fait de ne jamais se reposer sur notre noblesse, le nom de famille, et les parents. Naam, lui il dit moi, je suis un Kaza. Lui dit moi, je viens de telle famille. Lui dit moi, je suis un Arabe. Lui dit moi, je viens de telle tribu. Lui dit moi, je suis un blanc. L'autre il dit moi, Kaza. Moi je suis le fils d'un tel. Et moi ma famille est notable et nous on est riche chez nous. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallah. Tout cela ne renforce aucunement les liens avec Allah Azza wa Jalla. Il n'a pas ça. Sauf celui qui est bien. Si tu as la piété en plus de cela, tu as la noblesse, la richesse, le rang social, alhamdulillah. Mais le lien c'est avec al-taqwa. C'est avec al-taqwa. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله